collègues. Comment tu veux un message? Sur une trentaine, y'en a pas un qui m'a envoyé un message. À bord du train, combien de wagons j'ai perdu sur ma route? Et je vois tous mes poteaux en train de se tailler au Maroc. J'ai traversé les marées, maintenant je veux me barrer. Parce qu'ici tu finis vite en boule dans la malle, ce qui est pas carré. J'ai besoin de Maria, la voir sans maquillage. On sort du resto, bébé, conduis-moi ce soir, j'suis trop biaf. J'suis pas ton pote, sois pas tactile. Plus rien, tu faut que j'm'active. Fais pas le gentil avec moi, me trahir toujours d'actu. Tu vois, j'veux dire ou tu vois pas, j'veux dire. La vraie vie manque, j'finis l'album mais j'me tire. Là, c'est le J, c'est le S, la vie me blesse. J'monte pas mes proches parce que j'veux que mes proches fassent ce qui leur plaise. L'OBNI. Là c'est le J, c'est le S, la vie me plaise. Je monte pas mes proches parce que je veux que mes